mais son nom ressemblant à un match de ping-pong. Blonde avec tes collègues, t'intègre un autre style comme un match de PES. Vise en plein dans le mille, passe ton tour quand c'est ton jour. Fais profiter à ceux que tu éprouves de l'amitié. Ils en ont besoin, sors du coup de leur coin. Ils te le rendront quand tu seras moins bon. Ne les dégoûte pas, ne te soumets tout de même pas à ta tentation, il faut que tu tiennes bon. Hey mec, je testais ce que tu as dit à propos du rythme du risque là. Cette sensation est vraie qu'elle est fantastique. Elle m'emmenait au loin comme tu l'as dit. Dans un nuage magique, trop bien. Les jours avec, c'est comme au rap mec. Tu frissonnes à chaque parole, tu vibres à chaque farandole. Tu as le sourire, fonce dans la ligne de mire. Ne vois pas le danger à chaque geste que tu fais. Il faut réfléchir avant d'agir. Surtout ne pas fuir au risque que tu encours. Ta couleur de peau est d'un coup toute rouge par cet amour que tu éprouves pour l'adrénaline. Raison, j'adhère de plus en plus, man. Le rythme du risque, sensation magnifique. Je suis loin là, au loin, comme tu l'as dit. Ça déchire. N'abuse pas des bonnes choses, tu en auras les échymoses. N'abuse pas sur la dose, tu ne verras plutôt rose. Il y a des limites, ce n'est pas à moi de te les dire. Je ne fais juste qu'écrire, fais la part des choses pour que tout sois amoureuse, la vie est belle, à quand durera-t-elle? Tu te fais remonter les bretelles par tes parents, rien de tel qu'une leçon morale. Tu as dû le mériter pour t'être fait, pour t'en sermonner. Putain, mec, t'assures pas. Je t'ai écouté, maintenant tu sais où j'en suis. Mais oui, je suis en prison à cause de tes raisonnements minables. Je n'aurais pas suivi tes conseils de base, j'en serais pas là. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi, tu t'es fait du mal. En n'écoutant pas bien mes paroles, sur mon air orchestral, tu t'es conduit comme un animal. Une vraie bête sauvage qui ne peut être sage quand il est seul ou mal accompagné. Je t'avais pourtant dit de ne pas en abuser, tu m'as mal écouté, je suis comme toi. Je n'aime pas ça qu'il y ait autant de lois. Certaines me demandent pourquoi elles font partie de notre vie. Mais il faut éviter l'anarchie, sinon personne ne serait tranquille. Ouais, ouais, ouais, bla bla bla. Moi, en attendant, je suis toujours là, poitré entre les barreaux. Ça n'arrange pas les problèmes. Tu sais quand est-ce que je sors? J'ai pris 15 ans, t'as entendu? 15 ans! Tout ça parce que moi et mes collègues, on a voulu voler une baraque. Et les personnes intérieures, ben, ils se sont, comment dire, pas laissé faire. Et nous non plus. Alors on s'est pas pris la tête, on leur est tombé dessus à 10. Malheureusement, cette connasse, elle a crevé quand je lui ai mis un coup de... Je sais pas trop ce que c'était, j'ai pris que la panisse que j'avais sous la main. Je sais bien que c'est malsain, mais je t'assure, je voulais pas en arriver là. Je suis désolé, tu as mal raisonné quand tu as pris cet objet. Essayer de braquer cette maison, tu as fait le con, cela t'a emmené en prison. Trop de sensations, puis la sensation. Le rythme du risque ne t'a pas emmené comme moi dans un monde fantastique, fait de choses magnifiques. Et un autre qui s'est fait avoir, encore par le rythme du risque. Tu n'es pas allé dans un monde magique. Tu sais donc qui je suis, hein? Comme l'acrostique de la vie, il fallait réfléchir. Chaque chose a